Je ne te veux pas de malheur, mais si un jour tu meurs, je n'aurai pas de pleurs, j'attendrai mon heure. Car même si on s'est aimé, aujourd'hui tout est parti en fumée. Peut-être je ferai la fête, confetti et trompette. Sauvage qu'on tire, froid comme une banquise sur ta tombe, je t'enverrai des bises aussi loin que je me souvienne. Ma coupe est toujours pleine, bois à ta santé. Aucun regret, pas de regret de notre passé, s'il n'avait jamais pu exister. Nous n'aurions pas ces enfants, beaux comme de la neige au nouvel an. Quand je les vois rire, je revois à nouveau ta bouche qui s'étire aussi loin que je me souvienne. Ma coupe est toujours pleine, je bois à ta santé. Vraiment aucun regret, vraiment aucun regret. Un triste banquet, c'est un triste bouquet sur ta tombe isolée. J'aimerais être désolée.